Petite étoile, bienvenue dans la deuxième saison du podcast À Lune, le théâtre des étoiles. Ici Témaille, ta conteuse de méditation guidée préférée. Installe-toi confortablement et prépare-toi à voyager aux côtés d'Alune, à travers les astres, dans cet épisode mêlant contes, astrologie, psychologie et méditation. Je te souhaite une très belle écoute. Chapitre 1. Le fléau des étoiles. Il était une fois, dans l'immensité de l'univers, une jeune étoile nommée Alune, dont la peau rose scintillante et la chevelure de bronze rayonnaient parmi les astres comme un phare sur la mer. Jamais, de ses 200 ans d'existence, n'avait-elle rencontré de navire prêt à l'emmener à l'aventure, ni quelconque autre faiseur de prouesses pouvant la défaire de sa lassitude. Et pourtant, elle avait brûlé tant et tant sa peau pour attirer à elle le mystère que la tribu nomade qui l'avait vue naître la nommait Alune l'incendiée. Rien, durant la jeune existence d'Alune, n'ébranla les vagues sidérales sur lesquelles sa famille voyageait jour et nuit, si ce n'est ses éclats d'humeur qui n'étaient pas peu connus dans la colonie. Alune était une étoile nomade. Elle se prédestinait à une vie de voyage entre les mondes, à voguer sur les eaux sidérales sans ne jamais prendre part à aucune affaire des galaxies environnantes, ni jamais s'écarter des pistes tracées par ses ancêtres. De cette frustration naissaient de véhémentes émotions qui semblaient l'emporter loin des rivages de sa propre conscience, comme portée par les flots ténébreux de ses désirs. Jamais on ne connut, dans la colonie, si belle et si fougueuse étoile, et jamais ne fut étoile si malheureuse d'être dépossédée de ses audaces heureuses et ses fièvres pensées d'aventure. Un beau matin, Alune se réveilla, bercée par le doux flux des vagues sidérales sur lesquelles s'ébranlait le pavillon familial, le plus grand navire de la caravane. Elle s'ébroua sous la lumière des astres, attrapa un gâteau de lune cuisiné par son frère la veille et nagea jusqu'au devant de la caravane pour mener le chemin, comme à chaque jour, relayant ainsi sa tente de sa longue ronde de nuit. Le regard fatigué, celle-ci s'échoua sur les planches de son navire et ses ronflements éveillèrent la colonie tout entière. Alune s'aventurait toujours plus loin sur la piste de ses ancêtres, hors de vue des navires nomades, en rêvant de s'en écarter pour découvrir les trésors de l'univers. Son petit frère, Palm, endossait à merveille son rôle de soigneur de la caravane, depuis que leur mère était décédée. Palm cuisinait et guérissait si bien les plaies des membres de la tribu des étoiles qu'il était surnommé Palm le Provident. Parfois, il venait aux côtés d'Alune, au devant de la caravane, et tentait de lui faire entendre raison, en espérant qu'un jour, elle prenne sa place dans la famille en tant qu'aînée et meneuse de la tribu. Ce matin-là, il était aux côtés d'Alune lorsque les vagues hors du sentier s'étaient agitées en innombrables secousses, comme saisies d'une torpeur inconnue. Alune s'était raidie tout entière et s'était figée, le regard glacé vers le lointain. Elle se retourna soudainement vers Palm, marmonna des excuses et se mit à courir par-dessus les vagues pour décrocher sa nef, un petit navire à voile, sculpté dans un astéroïde que son père lui avait offert pour son 150e anniversaire. Elle défit la voile et la laissa s'étendre dans le vent astral, puis s'empressa de grimper dans le pavillon familial pour y trouver un sac dans lequel elle jeta des vivres. Palm l'attendait au pied de la nef, le front ridé de doute. « Ne t'inquiète pas, Palm, j'irai bien. » Tu sais que je ne peux exister dans cet univers sans y prendre part. J'ai senti quelque chose de terrible dans la mousse de ces vagues. Leur bruit s'est épuisé dans mon cœur comme si elles portaient une secousse amère d'un ailleurs qui m'appelle. Je t'en prie, laisse-moi partir. Dis à Père et au reste de la tribu que je les aime. Dis-leur qu'Alune l'incendiée a trouvé où porter son courage, son étincelle. Je ne peux plus la retenir, elle a jailli hors de moi, et maintenant je dois la suivre. Elle enserra son frère Palm, lui caressa la joue comme un dernier acte d'amour avant de braver les eaux agitées, et s'élança sur sa nef qui vogua au loin de la piste de ses ancêtres. Lorsque son navire disparut derrière une nébuleuse, Palm relâcha son corps dans une longue expiration fatiguée. Qu'adviendrait-il de sa grande sœur? La reverrait-il un jour? Après de longues heures de navigation à suivre les mouvements fébriles des vagues sidérales, Alune reconnut, à la pointe de sa proue, les frontières dorées de la galaxie de Cosma. Petite, lorsque sa mère était encore en vie, la colonie voyageait jusque dans ses eaux, sur une piste peu fréquentée des nomades. Sa tribu se méfiait des histoires contées à travers l'univers des 10 grands maîtres célestes et de l'attraction que leur planète exerçait sur les étoiles alentour. Elle dirigea sa nef vers la frontière et observa les vagues effervescentes traverser la brume dorée. Le mystère provenait des eaux au-delà. Alune avait toujours été fascinée par les récits de Cosma et sentit monter en elle le désir ancien de son enfance, un désir qui ne l'avait jamais quitté, celui d'explorer la galaxie des grands maîtres célestes. La proue de sa nef traversa la brume et la peur pétrifia chacun des muscles de la jeune étoile. Et si elle n'était pas la bienvenue ? Elle ferma ses paupières et projeta l'une de ses mains au-devant d'elle pour sentir du bout des doigts la frontière menaçante. Après quelques secondes, son corps n'ayant toujours rien enduré, elle ouvrit les yeux et découvrit son navire au-delà des frontières, dans le royaume de Cosma. Un son vint envelopper son corps et Alune entendit pour la première fois la mélodie de Cosma et sentit la force d'attraction des planètes alentour. Lorsqu'Alune se défit progressivement du délice de la découverte, elle sentit sa nef voguer sur le flux, toujours agitée des vagues sidérales. La piste la mena vers une grande planète à l'atmosphère dense et chaude, qu'elle reconnut aussitôt, d'après les récits de sa tribu. La planète Sphar était une planète Sona, de type volcanique. Elle était gouvernée par le grand maître Mars et était réputée pour ses sources chaudes et son activité sismique pour le moins capricieuse. Sa surface était constituée de terres volcaniques et de mers peu profondes, fourmillantes de poissons. Les volcans grondaient à la surface de la planète, tel le chant sombre d'un créateur fou dont les bras de lave façonnaient le paysage, au péril des êtres qui l'hébergeaient. Ses habitants, les Esphar, étaient de robustes étoiles, habituées aux températures extérieures extrêmes et particulièrement ferventes de sources chaudes. Alors qu'Alune entra dans l'atmosphère de la planète et se laissa attirer par la gravité de celle-ci, elle aperçut deux silhouettes se diriger, elles aussi, vers la planète. Les êtres volaient à la hâte vers ce qui sembla être une cité bâtie sur un amas de lave flottant par-dessus la mer grise de Sphar. Alune les suivit, après avoir posé sa nef sur les eaux marines de la planète, pressentant que leur piste était liée à la sienne. La cité se découpait dans la brume des vapeurs chaudes émanant des sources de la côte. Alune discerna, à mesure qu'elle s'approchait, une deuxième cité, plus petite, et bâtie sur la terre ferme. des cris s'échappaient des villes et l'effroi glaça le corps d'Alune. Elle ne savait plus si c'était la fraîcheur des embruns marins par-dessus lesquels elle voguait ou bien la terreur qui refroidissait ses membres et crispait ses muscles. Sa nef se rapprocha des quais de la cité terrestre auquel était accosté ce qu'elle identifia comme la capitale de Sphar, au vu des drapeaux écarlates portant le glyphe de Mars flottant dans la brume. Essor était la plus grande cité plateforme de Sphar, et, bien que sa silhouette incertaine se défasse dans les nuages vaporeux des sources chaudes, ce qu'Alune entrevit lui laissa une impression de puissance majestueuse. La proue vint se cogner sur le bois des quais, faisant sursauter Alune. Lorsqu'elle posa le pied sur les planches du quai, elle croisa le regard des êtres qu'elle avait aperçus plus tôt, manifestement interrompus dans leur discussion par l'accostage bruyant de la jeune étoile. Elle reconnut aussitôt les grands maîtres Soleil et Lune, de par leur prestance et leurs attributs reconnaissables. Le soleil était majestueusement couronné de sa chevelure enflammée, cernant son corps tout entier d'une nimbe étincelante. Sa posture était solidement ancrée dans la terre, et sous les traits de son visage émacié et inquiet, se cachait la chaleur d'un monarque dévoué à son peuple. La peau de la lune, quant à elle, était teintée de mystérieuses nuances métalliques. La surface de sa peau semblait recouverte d'une poudre argentée et parsemée, le long de sa colonne vertébrale, sur ses coudes et ses talons, d'un duvet blanc soyeux. Autour de son crâne flottait sa chevelure blanche, sculptée en un carré court, laissant apparaître le duvet blanc reposant sur sa nuque. Elle-même se tenait sur la pointe des pieds et sa silhouette s'en trouva plus éthérée et étrange encore. Ses grands yeux noirs semblaient happer toute substance en elle, alors que ceux du soleil reflétaient en leurs pupilles dorées le monde entier. Tous deux se détournèrent rapidement d'Alune, préoccupés par la détresse des Esphares. Alune suivit leurs regards et son cœur s'enlisa dans sa poitrine, serré par les cris terrifiés des étoiles environnantes. Elle semblait désorientée et courait dans toutes les directions. Certaines s'en prenaient à d'autres, criant d'absurdes paroles, et d'autres se jetaient contre les pavés de lave en se tenant la tête prise dans un filet de noirceur. Alune s'élança dans la ville, animée par une fougue étrangère qui ne supporta pas de ne rien faire devant la souffrance des Esphares. Elle héla, attrapa, secoua, mais rien n'y fit. La terreur traversant les habitants de la planète sembla sempiternelle, vouée à fatiguer ses hôtes jusqu'au dernier brin d'énergie. Étourdie par le désordre environnant, Alune reprit son souffle sur le bord d'une fontaine d'eau chaude. Elle se concentra sur le clapotis de l'eau et la moite chaleur enveloppant son corps pour retrouver son calme. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la fumée dévoila une tache sombre pelotonnée dans la fontaine. L'étoile était repliée sur elle-même, les genoux rassemblés entre ses bras et se balançait fébrilement. Elle répétait, inlassablement, « Tout est de ma faute, je m'écroule devant l'impuissance de mes gestes. Jamais plus je ne saurais vivre autrement que par-dessous le joug de la honte. Je suis un être abominable, détestable. » Et lorsqu'Alune se releva, il lui sembla entendre en écho à travers les lèvres des étoiles tous ces mots méprisants. Elle se mit alors à déposséder, mot par mot, l'étoile à ses côtés de l'emprise sinistre qui agitait son être. Cela prit du temps. Il lui fallut déconstruire une à une les pensées funestes et rebâtir l'assise de son estime. Mais chaque fois qu'une phrase acérée disparaissait, une étincelle s'allumait dans les yeux de l'Esphare, et l'ombre sembla se lever de son cœur. Alune parvint à tirer l'étoile de sa torpeur, avant que la lune et le soleil, les doigts entrelacés, plongèrent la ville dans un profond sommeil. Le silence autour d'eux était épais, et dans les oreilles des éveillés, L'écho des cris retentissait encore. Mars surgit d'une bâtisse sculptée dans la lave, les joues humides et le visage tordu de douleur. Son regard fatigué s'était noyé dans les affres de la terreur et coulait maintenant en sombre douleur. Il se redressa à la vue du soleil et de la lune, planta ses pieds dans le sol et héla. Maître, régent de nos royaumes, faites taire ce mal qui s'est échoué dans nos sillages, cette ombre levée sur nos cœurs, ce fléau des étoiles. À présent, installe-toi confortablement dans la position qui te plaît pour écouter la méditation guidée inspirée de l'énergie de cet épisode. Concentre-toi sur ta respiration. Laisse-la s'étendre dans tout ton corps. Ralentis doucement, tout doucement, ton souffle. Lorsque tu te sens prête et suffisamment détendue, laisse tes paupières se fermer pour entrer plus profondément dans ta conscience. Tu te sens descendre, descendre toujours plus loin. Écoute l'écho de tes pas sur les marches de ta conscience. Ressens la détente en toi s'amplifier et envahir ton corps tout entier. À partir de maintenant, les bruits environnants viennent renforcer ta détente. Chaque son s'engouffre en toi et disparaît de tes pensées calmes et apaisées. Durant cette méditation, tu conserves ton libre arbitre. Chaque mot, chaque image que je te propose peut être adapté selon tes envies et tes besoins. Tu peux, à tout instant, ajuster ta posture de détente afin de te sentir installé confortablement. Et maintenant, laisse-toi porter par le son de ma voix vers les rivages de ton monde intérieur. Autour de toi, un paysage de savane se dessine. Un paysage sauvage qui n'a encore jamais accueilli ni être humain, ni aucun autre être animal. Car tu te trouves à la nuit des temps, au commencement de toute chose. Tu incarnes la première condition humaine, la première réalité de notre espèce. Tu sens, petit à petit, l'odeur de l'herbe sèche remonter dans tes narines. Cette odeur de soleil mêlée à la terre te transporte au milieu de cette savane sauvage qui accueille tes premiers pas. Tu sens, sous la plante de tes pieds, la terre agglomérée en grains et sur ta peau la chaleur du soleil. Tu ressens, à travers chacun de tes muscles, la sérénité de ce lieu. Tu marches dans la savane inexplorée et tu observes les étendues devant toi qui semblent vouloir échapper à ton regard pour fuir vers l'horizon. Le ciel au-dessus de toi commence à s'assombrir et se voile des nuances enflammées du crépuscule. Comme si le soleil cherchait à agripper de ses multiples doigts la cime des cieux afin d'observer quelques instants encore cet être sauvage que tu incarnes. Tu sens sa chaleur diffusée dans ton corps s'évanouir lentement à mesure qu'autour de toi la nuit s'éveille. Alors que les derniers rayons solaires commencent à disparaître à l'horizon, tu te sens prise d'une fougue créatrice. Et si tu créais un soleil pour continuer d'exister sous sa lumière? Car comment te connaître? Comment avancer sans flamme pour t'éclairer? Tu ramasses autour de toi des brindilles, des gerbes d'herbes sèches et des branches échues des arbres environnants. Sens dans tes doigts, sur la pulpe de ta peau, chacune de ces brindilles. Le bruit qu'elles font lorsqu'elles se brisent dans tes mains. Ressens la sensation des gerbes d'herbes sèches, décharnées entre tes doigts. Puis celle de l'écorce du bois entre tes mains. Rassemble ces éléments en un tas haut, un tas majestueux, qui se découpe dans la dernière lumière du jour. Alors, au crépuscule de ce monde, tu frottes entre tes paumes un bout de bois sur une écorce recouverte d'herbe, pour créer ton propre soleil. Une à une, jaillissent des étincelles, et chacune vient se poser délicatement sur ta peau comme une caresse chaude de gratitude. Une fois la première flamme apparue, tu places l'écorce ardente au centre du tas de bois et de brindilles. Le feu embrasse la sécheresse et se répand parmi elles. Lorsqu'enfin le soleil disparaît de l'horizon, le feu prend sa place et tu sens sa chaleur sur chaque parcelle de ta peau. Les éléments que tu as ramassés dans la savane sont les ressources à la disposition de ton être. Sois comme la savane, sauvage et indomptée, pour révéler ces ressources cachées en toi. Si tu embrasses l'archétype du bélier, si tu ressens en toi le courage d'évoluer, si tu crées la première étincelle de ton propre soleil, alors tu auras la force et le courage d'explorer ce qui te compose pour t'élever. Le geste créateur, le frottement du bois contre l'écorce, le frottement de tes ressources entre elles, est porteur de ta motivation. Plus elle est dynamique, haute et profonde, plus l'étincelle jaillira avec force. Les étincelles, quant à elles, sont les élans de vie, les forces dynamiques qui te propulsent dans l'action, les passions qui font vibrer ton cœur. Ces trois éléments, les ressources, la motivation et la passion, composent ton soleil intérieur. Celui qui initie ta vie est le processus d'individuation par lequel tu transites. Observe ce feu brûlant devant toi. Sens sa chaleur dans ton visage, sur tes joues, ton nez, ton front. Sens cette chaleur brûler en toi comme un feu réconfortant. Ton crâne est le centre de l'énergie du bélier. Il oriente ton corps vers sa progression grâce au regard et héberge les idées initiatrices, novatrices. Ressens en toi, dans ton crâne, la chaleur du feu solaire brille sous ta peau. Observe les mouvements de ce feu secret, les nuances de ses flammes, le crépitement de ses braises. Petit à petit, tu vas laisser s'éloigner la savane sauvage. Chacun de ses bruits, chacune de ses textures et odeurs, tout ce qui la compose s'éloigne de toi. Tu sens tes muscles s'activer à nouveau. Chacun de tes doigts, chacun de tes orteils se met à remuer. Doucement, tout doucement, tu sens ton esprit remonter les marches de ta conscience vers un état d'éveil. Tu peux bâiller, t'étirer, laisser ton corps se défaire de l'état de détente dans lequel il était. Et lorsque tu le souhaites, lorsque tu te sens prête, tu peux rouvrir les yeux. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alune saison 2, le théâtre des étoiles. Je remercie mon amoureux, Timothée, qui crée pour Alune des ambiances sonores et des mélodies magiques. Si le concept de ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à rejoindre la communauté de Petites Étoiles sur Instagram. Rejoins-moi sur le compte Temaï Constellation, T-E-M-A-I Constellation tout attaché, pour suivre les aventures d'Alune et les miennes, qui suis guide holistique, et te propose des accompagnements thérapeutiques tout en douceur et en créativité. Porte-toi bien, je t'embrasse et à très vite.